Sing, sing, cry. Sing, sing, cry. Je vais finir par me dire que nous sommes vraiment trop cons, trop concentrés à jouer à ce jeu où nous sommes leurs pions. Toi tu joues les gangsters, ne fais peur qu'aux sista, fais du mauvais peur, traite les meufs de l'obsa. Attitude de gangsta, mais puis encore chez maman. Ici c'est pas US, on n'a pas besoin de ça. T'es qu'un duplicat. Joue le rôle des médias, quitte à faire du plagiat. Copie donc les rastas, le style n'est même pas là. Les paroles c'est la la la. Tu ne vois pas qu'avec ça, personne n'avancera devant les caméras. Tu prends l'air sûr de toi, derrière mon écran moi. J'entends n'importe quoi, dis-toi bien qu'un gangsta de ça ne s'en vante pas, non ça ne s'invente pas. Et surtout ne se dit pas. Doivent-ils encore nous dire où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous sommes enfin prêts à prendre des décisions? Je vais finir par me dire que nous sommes vraiment trop cons, trop concentrés à jouer à ce jeu où nous sommes leurs pions. Pas assez de gens qui s'aiment, bien assez d'argent qu'on sème. La solidarité fait partie de leur stratagème. L'euro est leur emblème, l'heureux n'a pas de problème. L'assistant à nous maintient tranquille dans leur système. La faune des babarem augmente de la crème. Et quand ça crame, ils subissent le feu et son baptême. Mener une vie de bohème, d'amour et de bohème. Pour eux c'est utopiste, t'en entre pas dans leur théorème. Tu connais bien le thème, si t'as de la thune on t'aime. Sinon tu peux te faire ouvert toute l'année carême. Interdisent mon herbe à flemme, celle qui me rend moins blême. S'ils veulent jouer on va se boxer extrême contre extrême. Doivent-ils encore nous dire où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous sommes enfin prêts à prendre des décisions? Je vais finir par me dire que nous sommes vraiment trop cons, trop concentrés à jouer à ce jeu où nous sommes leurs pions.